ما هو بقوم فين؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا والشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. Bon, on continue dans l'explication des trois fondements ou des trois principes fondamentaux. Et on a vu dans le cours précédent que le cheikh qui a fait ce livre, qui a fait cette petite lettre, il a commencé par Al-Basmala. Et on a dit Al-Basmala, en arabe, ça voulait dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Bismillahir Rahmanir Rahim, on l'appelle Al-Basmala. D'accord? Et qu'on a vu que le cheikh au début, il te fait un dua. D'accord? Il te dit, I'lam rahimakallah, on avait vu. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Donc le cheikh, il a dit quoi? Il a dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est de notre devoir, il dit. Il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. La première, il a commencé par la science. Il a dit la science. Et la science, il a expliqué par quoi? Par connaître Allah subhanahu wa ta'ala et connaître son prophète alayhi salatu wa salam et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Ça, c'est la première chose, la science. Ensuite, on a vu la deuxième chose, il a dit, c'est la mise en pratique de cette science. C'est-à-dire que ce que tu as appris, tu le mets en pratique. Tu sais que la science est une obligation, que tu apprends comment faire la prière, donc à partir de là, tu fais quoi? Tu mets en pratique la prière dans ta vie de tous les jours. Tu as connu une chose, tu as appris un hadith, tu le mets en pratique. Donc à chaque fois que cette science, tu la mémorises, tu la rentres, dans ta tête, tu la mets en pratique. Ensuite, la troisième chose, le cheikh, il cite, il dit quoi? Il dit, c'est inviter les gens à cette science et à cette pratique. Donc ici, il dit inviter les gens à cette science et à cette pratique. Ad-da'watu ilayh. Et tu dis la quatrième des choses, est de patienter en cas d'endurance, en cas de persécution, en cas où les gens te font du mal par rapport à cette da'wah que tu vas faire, par rapport à cet effort, quand tu vas les appeler à cette pratique ou à cette science, obligé, tu vas avoir des gens qui vont te contrer, qui vont être contre toi, qui ne vont pas accepter ce que tu vas essayer de leur transmettre. Donc ça, c'est la quatrième des choses, c'est-à-dire patienter. Et dans d'autres cours, on avait vu que la patience, elle se divise en trois branches. Quatre sortes de patience. Je sais pas si tu te rappelles ou pas. Dans les ordres, dans le fait de faire ça tout le temps, tous les jours, etc. Voilà. Il y a la patience dans l'épreuve. Face aux épreuves. Ouais. Le destin, ça rentre dans l'épreuve. Ah, les épreuves, oui. Parce que ce qui t'arrive comme épreuve, c'est du destin. C'est du destin. Dans les doigts, non, dans ce qui est interdit. Face aux interdits. Patienter face aux interdits. D'accord? Comme le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit dans le hadith, sahih, il a dit que la vie ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. C'est-à-dire que pourquoi une prison pour le croyant? Parce que le croyant fait face à beaucoup d'interdits et Il doit les éviter, c'est-à-dire les intérêts dans les banques, plein de choses qui sont interdites. Donc il doit les éviter, comme le cochon, comme l'alcool, comme regarder une femme qui était étrangère, comme baisser le regard. Donc c'est des choses interdites. Donc il faut patienter par rapport aux interdits. Donc patience face aux ordres d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire pour mettre en pratique ce que Allah t'a ordonné de faire, il faut être patient. D'accord? La deuxième, la patience face au destin. Donc le destin, il y a des épreuves qui rentrent dans le destin. Le destin peut être bon ou mauvais. D'accord? Donc il faut patienter, que ce soit bon ou mauvais. Patienter. Et on a vu par rapport face aux interdits. Ici, la preuve de la patience, c'est le verset ou c'est la sourate où Allah Azzawajal a dit: Wal-asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqq wa tawasaw bil-sabr. D'accord? Et la preuve de la patience, c'est-à-dire face à ce que tu vas avoir comme réfutation des gens, comme rad, tu vois, comme mal de la part des gens, c'est le verset où Allah Azzawajal dit, il jure par le temps. Allah Azzawajal, il jure par le temps dans ce verset. Il dit comme quoi l'homme, il est certes dans une perdition totale. Il est perdant. Il dit l'homme, en général, il est perdant. D'accord? Il est en perdition, sauf ceux qui croient, c'est-à-dire sauf ceux qui ont l'iman, sauf ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il est le dîner amanu ou amilu salihat et font de bonnes œuvres. Ils se rapprochent à Allah Azzawajal par les bonnes œuvres. Comme la prière, comme majalis dhikr, c'est-à-dire écouter la parole d'Allah Azzawajal. Tous les actes qui font rapprocher le croyant de son Seigneur. Donc, par les bonnes œuvres, ensuite, il se recommande la vérité, il se recommande la vérité entre eux, et il se recommande l'endurance, la patience. D'accord? Wa tawasaw bil haqq, c'est-à-dire il se recommande la vérité, voilà la vérité. Wa tawasaw bil sabr, c'est-à-dire qu'il se recommande d'être patient. Il se recommande d'être patient et endurant. Sabr. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il te dit si la patience et le remerciement d'Allah Azzawajal étaient deux montures qu'il fallait monter, peu importe laquelle je monte. Peu importe laquelle je monte. Que je prenne le remerciement d'Allah Azzawajal ou que je prenne la patience, pour moi c'est la même chose. Comme on a dans le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, il dit Fain asabahu ajaban, il dit le prophète alayhi salatu wasalam, ajaban li amri al-mu'min. Il te dit je m'étends dans la situation du croyant. Il n'a pas dit du musulman. Je m'étends dans la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est bon pour lui. Tout ce qui lui arrive est bon pour lui. S'il lui arrive un malheur, il patiente et c'est bon pour lui. Et s'il lui arrive une chose qui est une bonne chose, s'il lui arrive une bonne nouvelle, s'il lui arrive quelque chose de bien, il remercie Allah Azza wa Jal et c'est bien pour lui. Donc dans les deux situations, pour un croyant, c'est bien. D'accord? Donc la patience, et beaucoup de hadiths, de versets qui parlent de patience. Et aussi on a le prophète alayhi salatu wasalam, il dit Ashaddu bala'an al-anbiya' thumma al-amthal fal-amthal yubtala al-mar'u ala hasabi dinihi. فإن كان في دينه رقة زيد في بلائه وإن كان في دينه صلابة خفف عنه حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الخفت عليه الصلاة والسلام يتجي ceux qui ont été le plus éprouvés, c'était les prophètes. Comme Yahya, on a présenté sa tête comme dot à la demande d'une femme, une prostituée de Banu Israël, elle a demandé la tête de Yahya. Quand un roi a voulu se marier avec elle, c'était une barille. Et elle a dit quoi? Elle a dit, si tu veux te marier avec moi, une prostituée, elle a dit, si tu veux te marier avec moi, tu me ramènes la tête de Yahya. Parce qu'elle avait elle est partie voir Yahya et tout, et il n'a pas voulu tomber dans dans la fornication. Donc, elle a dit quoi? Elle est partie quand le roi, elle est partie, il a voulu se marier avec elle, elle a dit, moi, je veux sa tête. Et donc, il était en train de prier chez lui, ils sont rentrés, et pendant qu'il était prosterné, ils ont coupé la tête. Et ils ont ramené la tête ils ont ramené la tête de Yahya, alayhi salam, sur un plat. Ils lui ont ramené. Ouais, ils ont ramené la tête de Yahya sur un plat à cette femme. Ils lui ont dit, voilà la tête de Yahya. Et elle s'est mariée avec ce roi. C'est pour ça que le prophète alayhi te dit, achète d'un ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est les prophètes. Et on a aussi l'histoire de Zacharie. Zacharie, il a été tranché en deux. Il était dans un arbre. Et c'est qui Zacharie? C'est le père de Yahya. Alayhi salam. Il a été poursuivi. Il est rentré dans une forêt. Et, subhanallah, un arbre s'est ouvert. Un arbre s'est ouvert. Il est rentré à l'intérieur. Il s'est refermé. Et Shaitan, il est arrivé, il a tiré son tissu. Donc son tissu est resté à l'extérieur de l'arbre. Les koufars, quand ils sont arrivés, ils ont vu le tissu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tranché l'arbre. Il était à l'intérieur. Il a été coupé en deux. Elle est Zakaria. Et les prophètes aussi, Youssef, alayhi salam, il a été emprisonné. 9 ans en prison. Il a été mis dans un puits. Ça, c'est pas Youssef. Ça, c'est Younous. Voilà, donc l'histoire de Youssef, c'est ses frères qui l'ont mis dans un puits. Les frères de Youssef, ils l'ont mis dans un puits. Et ils ont menti. Et subhanallah, ici, dans Sourate Youssef, Allah Azzawajal a dit, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقْ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. Donc dans ce verset-là, qu'est-ce qu'ici, les savants, ils disent quoi? Ils disent que les larmes, subhanallah, ce qu'ils ont dit les savants, ils ont dit que les larmes n'ont jamais été une preuve de véracité. Mais les larmes, subhanallah, ils ont dit les larmes n'ont jamais été une preuve de véracité. Parce qu'il y en a, tu les vois, ils pleurent et tout, tu vois, tu dis, machallah, il est touché et tout. Mais c'est pas une preuve de véracité. Tu peux pas savoir il fait un cinéma ou pas. Parce que ici, ils te disent, regardez, les frères de Youssef, ils l'ont mis dans le puits, ils sont venus, ils pleuraient, et ils ont dit à leur père, Youssef a été mangé par le loup. Ils sont venus avec quoi? Avec son tissu plein de sang. Parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils étaient jaloux de lui. Tu vois, il y a en fait Youssef et Benyamin, son frère, sont d'une mère à part que les 11 autres. Que les autres frères. Et eux, en fait, et le père, Yaqoub, il préférait, tu vois, Youssef et Benyamin. Tu vois, il préférait. Tu vois, surtout Youssef, il l'aimait beaucoup. Et son père aussi, à son tour, il a été éprouvé. Pendant 40 ans, il n'a pas vu son fils. Jusqu'à qu'il a perdu la vue. Jusqu'à que ses yeux sont devenus blancs. Tout ça, c'est quoi? C'est que Allah Azzawajal éprouve. Et c'est pour ça que le prophète Ali dans le hadith, il a dit, ceux qui ont été le plus éprouvés, c'est les prophètes. Le prophète Ali à Taif, hein? Oui, et c'est des épreuves comme non, c'est eux qui ont subi le plus d'épreuves. Parmi les gens sur Terre, c'est les prophètes. Regarde Noé, il construit une arche. Les gens, ils passent devant lui, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Et regardez comment ça s'appelle, subhanallah, Ayoub, il a été touché par une maladie, jusqu'à que tout le monde l'a délaissé. Jusqu'à que ses enfants l'ont délaissé. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses enfants. Et sa femme, ils avaient rien à manger, ils étaient sur le lit, jusqu'à que elle était obligée de couper ses cheveux et de les vendre pour qu'elle puisse manger. Pour qu'eux, ils puissent manger. Et quand il a vu ça, il a invoqué Allah Azzawajal. Pour revenir, le prophète alayhi sallam, pareil, tu vois, il a été prouvé. On l'a traité de charlatan, de sorcier, de kahin, sahir. Il est parti à Taif juste pour faire da'wah. Il est parti à Taif. Ils ont sorti tout leur fou. Et tous les malades de Taif, ils étaient en train de lui jeter des pierres jusqu'à que ses pieds sont devenus en sang. Et le prophète, alayhi sallam, il a été éprouvé. C'est pour ça que le prophète dans ce hadith, donc, il dit Ashaddu bala, Ashaddu al-bala al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala al-mar'u ala qadari dinihi. Ou ala hasabi dinihi. Yani la personne elle est éprouvée selon sa foi. Si elle a vraiment la foi, comme ici les prophètes ils avaient vraiment la foi, si elle, le prophète alayhi sallam il te dit si elle a vraiment la foi, Allah va plus l'éprouver. Et si sa foi elle est faible, il va l'éprouver selon sa foi. Il va l'éprouver selon le degré de sa foi. Et subhanallah, le cheikh l'islam de Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il te dit, wallah, les épreuves, c'est un bienfait. Car ils appellent à la patience. Car ils appellent à la patience, et avec cette patience, on est récompensé. C'est des paroles, tu vois. Ça, c'est la parole de cheikh l'islam de Taymiyyah. Et même Sahaba radiallahu anhum, ils ont été éprouvés dans leur religion, pour leur religion. Hada ibn Hada ibn al-Aris, un Sahabi radiallahu anhum, il disait que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, il était assis un jour, ils sont venus le voir, et ils ont dit, ouais, ils étaient pendant la période Qurayshite, c'est-à-dire à Quraysh, là au jour d'aujourd'hui la Mecque, il disait, il est venu voir le prophète alayhi sallam et ils lui ont dit ya Rasulallah, ud'u lana, yani Allah, regarde, les mécréants sont en train de nous transgresser, ils sont en train de ils sont injustes envers nous, ils font on est en train de. Le prophète alayhi sallam, il leur a dit, il y avait avant vous des gens, il y avait avant vous des gens sur qui on passait un peigne en fer. Jusqu'à qu'on voyait leurs os. Et on les enterrait vivants. Et cela n'empêchait pas qu'ils reviennent et qu'ils changent leur religion. C'est-à-dire, ils se maintenaient accrochés à cette religion. D'accord? Parce qu'il y avait un combat entre la mécréance et l'islam. Au temps de Quraysh. Parce qu'au temps de Quraysh, au temps de Jahiliya, on appelle ça le Jahiliya. Quraysh, non, Quraysh au jour d'aujourd'hui c'est la Mecque. C'est en fait un village. C'est une tribu de Quraysh. C'est une tribu de Quraysh. Tu vois, quand on dit Quraysh, c'est, si tu veux, c'est une tribu où il y a la Mecque au jour d'aujourd'hui. Quand il y avait Quraysh, il y avait le Medina, d'accord, c'est notre tribu, si tu veux. Il y avait plein de tribus. Il y avait Taif, il y avait Banu Quraïda, ouais. Mais Quraysh, il y avait le Kaaba. À Quraysh, il y avait le Kaaba. Et c'est là où le prophète alayhi sallam, il a été envoyé. Pendant 13 ans, il était où? Il était à la Mecque. Quand il s'isolait dans la grotte, d'accord, tout seul. Donc ça, c'était où? C'était à Quraysh. Pendant 13 ans. À partir de 13 ans, il faisait quoi? Il faisait l'appel, il faisait le da'wah avec le Coran. Jusqu'à que le prophète alayhi sallam, il lui a demandé de faire l'exode de Quraysh à Al-Medina. Quand il est parti à Al-Medina, ils étaient plus forts. Et tu vois, une fois que Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, face d'Abima Tu'mar, yani, sort, appelle les gens avec ceux dans quoi on t'a envoyé. Appelle les gens avec ceux dans quoi on t'a envoyé. C'est-à-dire Risala, c'est-à-dire le message, c'est quoi si la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pour ça que pendant des années, ils étaient cachés. Ils étaient cachés en petits groupes. Ils se rejoignaient dans la maison de l'Arqam. Sahaba, ils étaient comme ça. Et le prophète, alayhi sallam, était avec eux, ils étaient une poignée. Et c'est là où les versets descendaient. À chaque fois qu'il y avait un verset qui descendait, ils se rejoignaient dans Dar al-Arqam. Et ils disaient, ouais, il y a un verset qui est descendu, un verset qui est descendu. Jusqu'à que le prophète, alayhi sallam, il a fait l'exode. Quand il a fait l'exode, tu imagines une personne qu'on recherche par les services secrets de Quraysh. Celui qui attrape le prophète alayhi sallam, il a 100 chameaux. Et il a de l'argent. Et il était demandé. Jusqu'à que Sahaba radiallahu anhu, parmi Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui est sorti avec lui, il savait que le prophète alayhi sallam, il avait une importance. Sahaba radiallahu anhu, il faisait tout pour qu'il reste en vie. Tu vois, ils ont pris un guide, et ils partaient sur le chemin, et il y avait Abu Bakr Siddiq, il prenait le chameau sur lequel était le prophète. Et il tournait en fait. Il était là. à sa droite, un peu il était à devant, après il était à gauche, après il était derrière. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive à Abu Bakr? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu. Un coup tu es à droite, un coup tu vas devant, un coup tu vas à gauche, un coup tu vas derrière, tu peux tourner. Pourquoi? Il fait, est-ce que tu as peur pour moi? Le fiya Rasulallah. J'imagine comme quoi il y a une flèche qui va arriver de la droite. Donc je me mets à droite. Ensuite, je m'imagine qu'il y a une flèche qui peut arriver de devant. Je me mets devant. Ensuite, je m'imagine qu'il y a une flèche qui va arriver de ta gauche. Je me mets à ta gauche. Ensuite, j'imagine une flèche qui va arriver de derrière. Une lance qui va arriver de derrière. Un coup qui va arriver de derrière. Je me mets derrière. Ensuite, le prophète Ali, ça me dit, mais t'as vraiment peur pour moi? Il dit, oui, ya Rasulallah. Il a fait, si je meurs moi, si je meurs, c'est une personne banale, tout comme les êtres humains, tout comme tous les êtres humains qui mourra. Mais si tu meurs toi, c'est l'humanité qui va mourir. Donc il s'est dit que comme quoi, Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, il savait que c'était quoi un prophète et que le message n'était pas encore envoyé et transmis aux gens. C'est pour ça qu'il le défendait. D'accord? Donc Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Donc tout ça pour parler des épreuves. Tout ça pour parler des épreuves. Donc dans Shafi'i, Shafi'i, en citant ce verset de Sourate Al-Asr, il y a quatre caractéristiques dans ce verset. Al-Asr, Allah jure par le temps, donc l'être humain, il est en totale perdition, il est perdu. Ça, il était perdant. Mais il te dit, illa, ici, il y a illa, illa sauf, ah, il y a une exception, sauf des gens qui auront ces quatre caractéristiques. Illa ladina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat, ils ont fait de bonnes œuvres, wa tawassaw bil haqq, et se sont conseillés mutuellement par la vérité, wa tawassaw bil sabr, et ils se sont conseillés mutuellement par l'endurance et la patience. D'accord? Shafi'i, en parlant de ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? Shafi'i, c'est un grand imam. C'est un imam parmi les quatre imams, parmi les quatre écoles. Et c'est l'élève de Imam Malik. Shafi'i, il a dit, si les gens, regarde ce qu'il dit, il dit, si les gens méditaient sur cette sourate, elle serait suffisante. Elle serait suffisante. Si les gens méditaient sur cette sourate, elle serait suffisante. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Il dit, s'il y avait une seule preuve, s'il y avait une seule preuve que Allah Azza wa Jal a fait descendre, et que cette preuve serait cette sourate, elle serait assez suffisante. Un seul verset. T'as pas besoin de. Si tu prends ce verset, tu le mets devant toi et tu le médites. Voilà, Asr, Inna l'insan Allah Azza wa Jal jure par le temps. Voilà, Asr, Inna l'insan a fait khos. Ah, t'es perdu. Il est l'adhina amanu, wa amanu s-salihati, wa tawassaw bil-haqqi, wa tawassaw bil-sabr. L'être humain, il est en totale perdition. Allah, je me suis arrêté à un hadith, j'étais en train de lire et tout, je me suis arrêté à un hadith. Le prophète, alayhi sallam, il a dit aux gens, Wallah, mal faqru akhsha alaykum. Walakin akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikum kama ahlakatum. Le prophète alayhi salam il dit, j'ai pas peur pour vous le fait que vous soyez pauvres, mais j'ai peur pour vous le fait que cette dunya s'ouvre sur vous. J'ai peur que cette vie ici-bas, j'ai peur que vous soyez tentés par cette vie ici-bas et que vous concurrencez dans cette vie ici-bas comme ils se sont concurrencés, ceux d'avant vous. Et elle va vous anéantir comme elle a anéanti ceux qui ont été avant vous. Et dans une autre riwaya, elle va vous préoccuper comme elle a préoccupé les gens d'avant vous. Ça c'est un hadith. Un autre hadith, subhanallah, qui parle de la dunya, de la préoccupation de dunya. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Yushiku an tatada'a alaykum al-umam. » كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فقيل أو من قلتنا يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نص حديث الخوفة عليه الصلاة والسلام تجي il va bientôt ici yushiko, c'est-à-dire que bientôt dans l'avenir, c'est quelque chose qui se rapproche. Le prophète alayhi salam tu dis bientôt dans l'avenir, on va s'entourer de vous. Les gens, les nations vont s'entourer autour de vous. Comme s'entourent des mangeurs autour d'un plat. Comme s'entourent les mangeurs, c'est-à-dire les gens, quand ils posent un plat, il y a des gens qui viennent autour pour manger. Donc, le prophète alayhi salam, il a décrit comme quoi sa nation, sa umma va être comme quoi, comme un plat, et que les nations autour vont venir manger. Regarde l'image qu'il a donnée le prophète alayhi salam. Il a dit yushiku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha, comme les mangeurs viennent manger autour d'un plat. Ils ont dit, Sahaba, mais est-ce que c'est par rapport à notre petit nombre ce jour-ci? Est-ce que c'est on ne sera pas beaucoup ce jour-là? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, ce jour-là vous allez être beaucoup. Ce jour-là vous allez être beaucoup. C'est-à-dire que les ennemis d'Allah ils sont tous autour des musulmans, autour de l'islam, à combattre l'islam. Donc ce qu'on entend des islamophobes, à chaque fois que pour travailler, tu peux travailler. Donc ils sont tout ça derrière, il y a quoi? Ils ont la haine contre l'islam, contre les musulmans. Et ici, on a un verset. Allah Azza wa Jalla dit, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla il dit, ils ne cesseront de vous combattre. Ils ne cesseront. Allah Azza wa Jalla il te dit, ils ne cesseront. C'est-à-dire dans le futur. C'est-à-dire, et ici, ils ne cesseront. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à que vous devenez apostat. Chaque fois, vous sortez de l'islam et vous soyez comme eux. Ils veulent que tu sois comme eux. Si tu es comme eux, ils vont être contents. Mais si tu n'es pas comme eux, ils ne seront pas contents. Et comme il dit Ali radiallahu anhu, il dit, c'est vrai que les prostituées souhaiteraient que toutes les femmes soient comme elles. Il dit, c'est vrai que les prostituées souhaiteraient que toutes les femmes soient comme elles. Le prophète Ali soit dans cette vie comme un étranger. Et ici, après, tu dis, bien au contraire, sois comme un passant. Parce qu'un passant, il daze. Un passant, il passe. Alors qu'un étranger, il peut résider. Un étranger, tu vois, tu peux résider ici, tu es étranger. Alors qu'un passant, c'est sûr qu'il ne va pas rester. Il est passant. Il dit, bien au contraire, sois pas comme un étranger. Non, bien au contraire, soit un passant. Et subhanallah, le prophète alayhi salam, il a dit khayrul khalq, la meilleure des créatures. Jusqu'à que sahaba radiallahu anhu, ils nous ont rapporté tous les faits, les actes et les dires qu'il faisait. Et quand il a laissé ce monde, est-ce qu'il a laissé des maisons? Est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a laissé? Il n'a rien laissé. Il a laissé une terre qu'il a donné fils à des orphelins. Il a laissé une mule blanche, Al-Qaswa, il a laissé derrière lui. Même, alors que quand il est mort, il avait son dira, c'est-à-dire que son âme, son bouclier, il avait prêté à un Yahoudi en échange d'un blé qu'il avait pris. Donc elle est restée chez lui. Il n'avait même pas de quoi reprendre son bouclier, alayhi salatu wassalam. Pour te dire. Ici, Allah a les gens, rien qu'ils se concurrencent. Rien qu'ils se concurrencent. Et plus tu t'attaches, et comme il dit Malik ibn Dinar, plus tu t'attaches à la vie ici-bas, plus tu t'attaches aux choses matérielles de la vie ici-bas, plus le paradis et l'au-delà, ils sortent de ton cœur. Automatiquement. Plus tu t'accroches à la vie ici-bas. Nous, on ne dit pas que c'est pas bien, non. Mais il ne faut pas que ton cœur soit attaché. C'est-à-dire que comment tu vas savoir que si ton cœur est attaché à la vie ici-bas ou pas, si la personne l'aime bien, tu lui enlèves. Tu regardes sa réaction. Tu vois? Ou si une personne, tu vois, elle a une belle voiture, elle fait un accident, tu regardes quand elle a sa réaction. Est-ce qu'elle va dire « Alhamdulillah » et tout? Est-ce qu'elle va péter les plombs? C'est comme ça. La personne, c'est quand tu lui enlèves ce qu'Allah lui a donné, c'est là où tu remarques que son cœur, s'il est attaché ou pas. C'est pour ça que Allah, plus ça moins, plus tu es libre. Plus t'es libre. Sahaba, c'est pas un mal d'avoir des richesses. Sahaba, ils étaient riches. Mais ce qu'est-ce que cette richesse, elle n'était pas dans leur cœur, mais elle était entre leurs mains. Cette richesse qu'ils avaient, elle était entre leurs mains. Tu imagines Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, comme le prophète, quand le prophète, alayhi sallam, il a appelé à Sadaqa, il est arrivé avec tout son argent. Tu imagines tout son argent, tout ton capital en banque, c'est quoi? C'est, t'as 2000 euros par exemple, 3000 euros. Demain, je dis, oh, demain, il faut ramener Sadaqa. Il faut passer le message à tous les musulmans du monde. Ben, tout le monde, le lendemain, Abu Bakr, il a ramené tout son capital, il l'a posé. Il a ramené son capital, il l'a posé. Quand le prophète, alayhi sallam, il a dit, qu'est-ce que t'as laissé à Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, j'ai tout ramené, j'ai rien laissé? Regarde la réponse. Est-ce qu'il a dit, j'ai tout ramené? Il a dit quoi? Quand le prophète il lui a posé la question, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, à Abu Bakr? Il leur a dit, je leur ai laissé le suivi d'Allah et de son prophète. Je leur ai laissé Allah et son prophète. Je me dis, c'est vrai qu'ils se concurrençaient. Uthman, Jahaza, Jaish al-Usra. Uthman aussi, il est arrivé, il a préparé une armée avec tout. Toutes les armes, les chevaux, les mules, les ânes et tout, une armée l'a préparé, lui seul. Tout ce qu'il avait. Et subhanallah, regardez l'histoire de Sa'd ibn Rabi' et Abdurrahman ibn Auf, quand le prophète alayhi sallam, il a migré à Médine et que il a fait l'acte de fraternité entre les Ansars et les Muhajirines. Les Ansars, c'est-à-dire Ansars, c'est les gens de Médine, et les Muhajirines, c'est les gens de Quraysh, qui ont fait l'exode, d'accord? De la Mecque. Qu'est-ce qu'il a dit Saïd ibn Rabi? Il est arrivé, il lui dit, toi, tu viens, t'es pauvre, t'as rien, eh ben, la moitié de mon capital d'argent, je te le donne. Tiens, première chose. J'avais cité une fois dans le Jumu'ah. Il dit, tiens. Il lui dit, et j'ai deux femmes. Après sa période, regarde celle qui te plaît, je divorce avec elle, et après sa période de viduité, je te marie avec elle. Et la période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Tu vois, et en fait, ils étaient humbles, ils voulaient pas, même Sahaba ici, Abdurrahman ibn Auf, lui dit, garde ton argent, garde ta femme, je suis un très bon commerçant, montre-moi juste le marché. Donc il lui a montré le marché de Banu Qaynuqa, il est parti, c'est un très bon commerçant. Et il est venu de rien, il avait rien. C'est pour vous dire que le prophète alayhi sallam, il n'avait pas, lui ainsi que Sahaba, ils n'avaient pas cette dunya entre dans le cœur. Ils n'avaient pas dans le cœur. Aujourd'hui, la personne, tu vois, elle peut tuer pour un morceau de terre. Elle peut tuer pour des choses futiles, pour des choses, en fait, c'est rien. C'est comme ils appellent ça, c'est de la saleté de la dunya. C'est une saleté de la dunya. Comparé à ce qui t'attend. Inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. T'imagines dans le paradis, il y a ce que œil n'a pas vu. Est-ce que esprit ne peut imaginer. Tu vois? Là où est-ce que oreille n'a pu entendre. C'est un truc que tu ne peux pas imaginer. C'est vrai que des fois quand tu parles de ça, tu parles du paradis et tout, ils croient que les gens ils croient que c'est un conte de fées que tu es en train de leur raconter, que ça n'a rien de vrai, que oui. Subhanallah. Donc ici, Imam Shafi'i te dit, si Allah Azzawajal avait fait descendre ce verset, avait fait descendre cette sourate, ou l'asr, comme preuve pour l'humanité, elle serait suffisante. Elle serait largement. Largement suffisante. Ensuite, le Bukhari, rahmatullahi alayh, il a dit, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Il a dit, Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Il a dit, chapitre, le Bukhari, rahmatullahi alayh, il a dit, chapitre, la connaissance avant la parole et l'acte. La connaissance avant la parole et l'acte. Et la preuve réside dans la parole d'Allah Azzawajal. Fa'alam annahu la ilaha illa anta wa astaghfir li dhanbik. Et la parole réside dans la parole d'Allah Azzawajal dans sourate Muhammad. Et sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité qu'Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Et implore ici, il a dit, Allah a commencé par la science avant la parole. Il a commencé par la science avant la parole et l'acte. Ensuite, il dit, et alam rahimakallah, أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. Ensuite, ici il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde et te fait un dua, qu'il est du devoir de tout musulman et musulmane d'apprendre trois choses et de le mettre en pratique. Donc on a vu quatre choses. Ces quatre choses qu'il a citées au début, c'était la science, ensuite, العلم ومعرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة الدين ومعرفة الأدلة العمل به c'est-à-dire que tu mets en pratique la science tu mets en pratique cette science t'appelles à cette science faut que tu sois endurant envers le mal qui peut arriver d'accord quatre choses science œuvrer appeler les gens à cette science et patienter d'accord ensuite étudie ici Et sache que chaque musulman et musulmane doivent apprendre trois choses et les mettre en pratique. Ensuite, il va te parler de trois choses. La première des choses, il te dit, c'est le fait que Allah nous a créés. C'est le fait que Allah nous a créés et il nous a accordé subsistance. Il nous a donné notre subsistance. Et il ne nous a pas laissés soudainement. Allah t'a pas créé comme ça et t'a laissé soudainement. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله عز وجل dit dans un verset est-ce que vous croyez qu'on vous a créé soudainement et que envers nous vous serez pas retourné est-ce que vous croyez qu'on vous a créé soudainement que envers nous vous serez pas retourné certes sera retourné envers Allah عز وجل il va te questionner par rapport à tout ce que tu as fait donc ici Allah عز وجل t'a donné ta subsistance et t'a pas laissé soudainement et بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Bien au contraire, il nous a envoyé un prophète. Quiconque obéit à ce prophète, alayhi salatu wassalam, entrera au paradis. Et quiconque lui désobéit, entrera en enfer. Simple. Tu suis le prophète, tu rentreras au paradis. Tu ne suis pas le prophète, alayhi salam, tu rentreras en enfer. D'accord? Et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا la réponse la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous de même que nous avons envoyé un messager à Pharaon Pharaon a désobéi à ce messager nous l'avons pris rudement. Nous l'avons pris rudement. D'accord? نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عليكم دي كيسيون ولا شو ما فهمتوش شي حاجة؟ ها؟